Sur mon fils, on m'a rien donné. J'ai failli passer ma vie à zoner. Tout ce que j'ai, je l'ai arraché. Pour ça, j'ai dû courir quand les autres marchaient. Je suis un enfant de la misère. Mon avenir a fleuri en plein hiver. Je n'ai pas fait qu'attendre mon tour, je l'ai provoqué. Je me suis présenté au succès sans être convoqué. Depuis tout petit, j'ai vu la vie en grand. J'ai pas vraiment eu le temps de rester enfant. Face à l'urgence, j'ai dû devenir un homme. J'ai perdu mon innocence dans des jardins d'automne. Mes écorchures étaient encore fraîches. Je devais retourner au fond avant que mes larmes sèchent. Je suis parti de loin, loin. Je suis parti de rien, rien. Quand rien n'est sûr et qu'il te manque l'espoir, pense à moi, pense à moi. T'as beau t'armer d'un bouclier, la vie finira par te blesser. T'as beau t'y accrocher, la vie finira par te laisser. Les tourments sont réguliers ici, les joies sont infidèles. Le bonheur est singulier, pourtant les déceptions plurielles. Tu peux rester un homme même en tombant, mais tu deviendras un lion en te relevant. Alors si la mer s'agite, reste sur le pont, recouvre d'une armure de granit tes peurs et tes émotions. On n'a pas d'autre choix que de rester debout. C'est aussi parce qu'elle est un combat que la vie a du goût. On trouve des tiges épineuses même sur les rosiers. Désormais mes angoisses trompeuses gisent dans un brassier. Je me suis battu et j'aime ça, j'avoue que ça me fait vibrer. Mes blessures de guerre témoignent des batailles que j'ai livrées. J'ai conservé en moi-même des espoirs estropiés. J'en ai fait des bouées de poèmes quand je n'avais plus pied. Yeah. Quand rien n'est sûr et qu'il te manque l'espoir, pense à moi.